Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a une rumeur qui court dans le bruit médiatique de ces dernières années. Notre époque serait celle d'un retour du religieux. Évidemment, les spécialistes auraient un certain nombre de précisions à apporter sur ce constat. De quel religieux parle-t-on ? Peut-on tout comparer ? Il y a un monde entre, par exemple, une certaine foi qui s'affiche sans complexe dans le monde politique américain, la violence terroriste au nom de Dieu et les savants syncrétismes des classes moyennes occidentales en quête d'éveil spirituel. Toujours est-il que ce constat est fait parce que les religions ont bel et bien subi des transformations profondes depuis l'époque moderne. Dans le monde occidental, les fidèles ont déserté les cultes traditionnels. Tant et si bien qu'à la fin des Trente Glorieuses, on pouvait se demander ce qu'il était advenu du sacré dans nos modes de vie. Et cette question était au cœur d'une série d'émissions réalisées par les radios publiques francophones en 1974, « Aspect du sacré dans le monde moderne ». En voici le premier volet. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Ce soir, première émission, la notion de sacré a-t-elle encore un sens dans les sociétés avancées du monde occidental ? S'il est question du sacré, il faudrait tout de même commencer par savoir ce que le sacré représente pour moi, parce que c'est peut-être pas cela qu'il représente pour chacun. Stanislas Fumet. Pour moi, le sacré, c'est le transcendant même, c'est-à-dire ce qui sépare ce que nous voyons, ce que nous connaissons, ce que nous pouvons toucher ou que nous pouvons comprendre, et ce qui n'est pas absolument distinct des choses dont je parle, mais qui leur est transcendant. Par conséquent, il y a une séparation entre le visible, si vous voulez, et l'invisible. Il y a une phrase de Léon Blois qui est très belle et qui vous donnera une idée de ce que je pense. Il disait que le visible est la trace des pas de l'invisible. Alors, cet invisible, si vous voulez, c'est le sacré. Et c'est ainsi qu'on l'a toujours considéré, puisque lorsqu'on parle du sacré, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas quelque chose qui va contre ce que nous pouvons penser ou ce que nous cherchons, mais on peut dire que ça ne vient pas de nous. Ça vient d'ailleurs, c'est-à-dire ça devient de quelque chose qui n'est pas nous, mais dont nous sommes obligés de tenir compte dès que nous approfondissons une question ou dès que nous regardons en nous-mêmes pour savoir ce qui se passe. Alors ce sacré, c'est assez extraordinaire, est beaucoup plus à la mode aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans par exemple. Mais il a changé beaucoup de nature dans l'esprit public. Autrefois, le sacré était ce que l'on réservait à la part de Dieu. C'était surreligieux, en quelque sorte. Mais ce n'était pas un élément de surprise intéressante ou fascinante comme cela peut l'être aujourd'hui. Il est certain que ce sont surtout les artistes et les poètes qui ont maintenu le sens du sacré et qui le retrouvent de plus en plus. Seulement, où le cherchent-ils ? Ce n'est plus du tout dans le domaine où nous le sollicitions autrefois, où véritablement il y avait quelque chose de beaucoup plus pur que ce que peut nous donner l'angoisse naturelle. Quand on avait peur du sacré, ce sacré semblait troublant et on ne le pensait pas authentique. On ne le considérait pas comme valable. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout différent. Les artistes à qui on ôte dans l'art religieux ce qu'il doit y avoir de sacré, les artistes qui ont toujours besoin de ce transcendant, le chercheront dans des émotions beaucoup plus physiques, beaucoup plus étranges, si vous voulez. Enfin, si vous voulez, le vaudou, aujourd'hui, semble plus sacré que les sacrements de l'Église. Trouver le sacré dans la vie moderne, dans la ville moderne, Pierre Bernard. Le sens du sacré, c'est par exemple le sens de l'immense, de l'immensité. De l'immensité dans le temps et dans l'espace. Quiconque accorde une place primordiale à tout ce qui est familier, à tout ce qui est proche, à tout ce qui est habituel, routinier, à toutes ces activités quotidiennes du matin au soir, à toutes les informations que la presse, la radio, la télévision nous déversent à longueur de journée, à longueur d'année. Quiconque est sensible à ça et est entièrement absorbé par cela n'a probablement pas le sens du sacré. Avoir le sens du sacré, c'est le sens de quelque chose d'autre que tout cela. Ici, nous sommes à Paris et il est facile de se laisser absorber par toutes les préoccupations de la vie quotidienne, de toutes les préoccupations de la ville, des embarras de la ville, des bruits de la ville, des contraventions, des grèves, des meetings, des réunions, des manifestations, toutes sortes de choses qui correspondent à ce qu'on appelle l'ensemble de la vie économique, sociale et politique. On peut viser, on peut trouver comme extrêmement important les grandes décisions qui sont prises dans les conseils d'administration, dans les grandes banques, dans les conseils ministériels, au Parlement. Bon, tous ces aspects dans également dans les conseils, disons, de l'université, dans l'ensemble des cours donnés dans les universités. Bon, tout cela, au fond, a comme préoccupation majeure un axe essentiel, celui des rapports entre les hommes. Ce n'est pas le sacré. Avoir peut-être le sens du sacré à Paris, ce serait vivre dans une intimité insolite avec la Seine, avec le fleuve Seine, avec la confluence de la Seine et de la Marne, de la Seine et de l'Oise. Vivre dans l'intimité d'une eau qui coule à longueur de journée et de nuit et à ce carrefour sacré que certains jadis trouvèrent sacré, de trois grands cours d'eau. Pour les Chinois, la confluence de deux cours d'eau était symbole du mariage. Deux lignées confluent. Le sens du sacré, c'est le sens de l'illimité, par exemple dans le temps. Le fleuve Seine coule depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des millions d'années. C'est une situation fondamentale pour ce qui est des Parisiens. Les affaires des Parisiens, l'histoire de Paris, l'histoire des Parisiens, c'est une affaire humaine de petite taille en comparaison de l'écoulement, plus que millénaire, du fleuve. Accorder une importance primordiale à cette situation, c'est probablement cela, avoir le sens du sacré. Comprendre que les affaires de la cité sont secondes par rapport aux réalités plus profondes, plus fondamentales, plus originelles de la nature. C'est aussi le sens de l'illimité dans l'espace. Pour Paris, c'est la sentir située dans une immense plaine qui commence quelque part vers la Bretagne, la Normandie, traverse tout le nord de la France, la Belgique, l'Allemagne, la Russie, la Sibérie. Avoir le sens de Paris comme situé dans cette immense perspective de plaine, c'est peut-être cela déjà, avoir le sens du sacré. Et pouvoir opposer les affaires humaines, l'histoire humaine qui s'est développée au cours de quelques millénaires sur l'ensemble de ces steppes, et sentir l'élément fondamental premier de l'existence même des forces, disons, telluriques, qui conditionnent l'ensemble de cette histoire, c'est remettre peut-être en place l'histoire proprement des hommes, la dimension interhumaine par rapport à une autre dimension qui serait celle des rapports entre l'homme et la nature, l'homme et la matière, l'homme et l'univers. L'homme moderne, l'homme qu'on dit moderne et qui se dit être moderne, a peu ou n'a plus du tout le sens du sacré, dans la mesure où ce rapport avec l'univers a été profondément modifié au cours des 3 ou 4 derniers siècles. Ces rapports entre l'homme et la matière ou l'homme et la nature sont, depuis ce temps, depuis la Renaissance à peu près, envisagés sous une forme entièrement conflictuelle, oppressive. On parle de conquête de la nature, de domination de la nature par l'homme. Tout s'est passé au fond comme si l'homme moderne, l'homme rationnel, scientifique et technique, avait réussi ou croyait avoir réussi à régler son compte avec la nature, ce qui lui permettait d'enfin traiter les affaires qui lui tiennent le plus à cœur, ses propres affaires humaines, psychologiques, sociales. Alors il semble que nous sommes, depuis peu de temps, à une époque nouvelle par rapport à celle de ce rationalisme dominant. En un sens, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le seul élément véritablement subversif, c'est l'élément sacral. Le seul qui représente une subversion totale par rapport à 4 siècles environ de domination du rationnel, de l'homme rationnel sur la nature et de la compréhension des problèmes humains qui résultent de cette croyance en la toute-puissance de l'homme sur la nature. Nous sommes à une époque, à un tournant important, à une époque neuve, dans la mesure où, probablement, les rapports entre l'homme et l'univers sont en train de changer. Mais très curieusement, et par une sorte de ruse étrange, grâce au développement scientifique lui-même. Ce qui voudrait dire que le sacral tendrait peut-être à réapparaître ou à apparaître d'une façon entièrement neuve par l'entremise même de la science qui semble être son exterminatrice première. Je m'explique. La science du XIXe siècle, la science physique, la science chimique, est une science essentiellement de laboratoire, élaborée en laboratoire et exclusivement en laboratoire. Quelque chose de nouveau apparaît à partir du moment où la science sort en quelque sorte du laboratoire pour rencontrer les forces matérielles, les phénomènes naturels, dans leur cadre propre, non plus le laboratoire humain construit de mains humaines, mais l'immense univers lui-même. Où sont les manifestations du sacré dans notre monde occidental, Jean Duvigneau? Je crois qu'il est difficile de parler du sacré comme d'une réalité absolue, universelle, ou comme une sorte de sel que l'on met dans les aliments, plus de sel, moins de sel, un peu de sacré, pas de sacré. Je crois que le problème est complexe, en ce sens que chaque genre de société, ou chaque civilisation, si vous voulez, possède sa forme propre de sacré. C'est-à-dire, je crois, si pour prendre un exemple qui peut faire sursauter, qu'il n'y a aucune relation entre le sacré que pouvait vivre un chrétien à l'époque romane et le sacré que peut vivre un chrétien à l'époque présente. Et je passe sur des différences qui ont encore existé, disons, au XVIIe ou XVIIIe siècle. Je crois que chaque type de société, chaque civilisation possède sa forme de sacré, si bien qu'on se demande parfois si on a affaire à la même chose. Et en effet, si l'élan est le même, du moins les formes sont tellement différentes qu'elles sont souvent contradictoires. Alors, dans nos sociétés contemporaines, les formes du sacré sont totalement exclues de la vie sociale et de la vie économique, et dans la mesure où cette sorte d'homogénéisation, de division technique du travail poussée à l'extrême, la vie des transports, de l'urbanisme, enfin bref, tout ce qui caractérise ce qu'on appelle la vie moderne, exclut presque toute possibilité pour les hommes de se regrouper. Or, il n'y a pas de sacré s'il n'y a pas de regroupement humain. Ce qui expliquerait d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le pays le plus industriel du monde, on a vu se développer, depuis déjà fort longtemps, mais maintenant avec une intensité très grande, des sectes. C'est-à-dire des petits groupes où les gens se retrouvent entre eux et essaient de tenter de récupérer quelque chose. Ça peut être parfaitement de l'ordre des loisirs. Il peut y avoir des sectes qui recherchent les joueurs d'échecs. Il peut y avoir des sectes qui s'occupent de déviations religieuses et qui discutent sur l'orthodoxie. Il peut y avoir des sectes politiques. Il peut y avoir des sectes de n'importe quoi. Mais il y a certaines sectes où les gens se retrouvent autour de certaines communions plus intenses et volontaires. Là, nous entrons dans le domaine du sacré. Est-ce qu'on peut définir justement d'une façon un peu plus serrée cet élan primordial vers le sacré, quel qu'il soit, enfin ? Alors, je ne sais pas s'il est primordial, parce que je ne connais rien sur l'origine humaine et que d'ailleurs personne n'en connaît rien. Ce sont des hypothèses que l'on formule et dont on attache évidemment le prix de mythe, précisément parce qu'on n'en sait rigoureusement rien. En tout cas, qu'elle soit constante, c'est vraisemblable. Qu'elle soit manifeste, cela est certain. Par exemple, ce qui pousse un groupe, disons, de société archaïque ou non historique à danser en commun, à participer des mêmes gestes et des mêmes mouvements. Là-dessus, je crois qu'il y a des textes bien connus, des analyses de Marcel Mauss, qui pourraient dire beaucoup mieux que je ne le ferai ce que représente à ce moment-là cette sorte de consommation en commun de la substance sociale, qu'ils appelaient à l'époque le mana. Alors là, nous sommes en présence d'une forme de sacré. Dans nos sociétés à nous, le sacré peut prendre plusieurs formes. On peut même dire aussi qu'il y a eu un détournement du sacré par le pouvoir. C'est un phénomène très particulier. Le pouvoir politique, dans beaucoup de cas, a détourné à son profit le caractère sacré de l'exercice social, de la vie sociale, et s'en est servi comme principe d'autorité et de gouvernement. C'est ce qu'on appelle les sociétés charismatiques, des sociétés dont le principe du pouvoir est un principe presque mystique. Ça a été le cas de Hitler, mais ce n'est pas seulement le cas de Hitler. C'est le cas de bien d'autres sociétés où le roi ou le souverain, généralement le président ou n'importe quel leader, prétend s'arroger des droits, disons, religieux ou des droits de possession d'un humaine, d'une caractère puissance. Un pouvoir de droit divin. Oui, une sorte de pouvoir de droit divin, mais d'efficacité divine. Il peut parfaitement ne pas croire en Dieu. Il peut parfaitement ne pas du tout être un croyant, mais une sorte d'efficacité. Et je pense que dans beaucoup de cas, beaucoup de jeunes nations voient se développer un pouvoir de ce genre. Celui qui en sait plus que les autres et auquel il faut faire confiance, précisément parce qu'il en sait plus que les autres. Il est donc chargé d'une sorte de pouvoir mystique. Est-ce que c'est la seule forme de détournement du sacré par le pouvoir ou par l'exercice même de la société et des institutions? Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle détourne aussi le sacré dans d'autres choses, peut-être plus discrètes? Oui, alors bon, il y a des formes de sacré qui ont été détournées vers la vie quotidienne. Georges Bataille avait rappelé des relations qui peuvent exister entre le sacré et certaines formes d'érotisme, par exemple, ou d'amour. Cela est vrai. Mais il ne faut pas non plus oublier que tout de même, le sacré correspond aussi à une foi religieuse. Je veux dire par là qu'il y a des gens pour qui le sacré est une consommation mystique de tous les instants. Ceux pour qui la foi est une chose réelle, une chose profonde, une chose authentique, qui n'a d'ailleurs pas besoin d'église, qui peut s'en passer. C'est ce que disent souvent d'ailleurs les jeunes de l'église d'aujourd'hui. C'est une sorte de consommation mystique de quelque chose qui est à la fois l'univers, la vie des hommes, leurs souffrances, etc. Cela, je crois qu'il faut le maintenir comme une réalité, même si on n'y croit pas. Personnellement, je ne suis pas croyant, mais j'en ai que plus de force pour dire que ceux pour qui cet élément joue un rôle, c'est un rôle extrêmement important. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus. D'autres aspects de détournement du sacré, non seulement dans la vie sexuelle, mais aussi bien souvent dans la vie économique. Après tout, dans une certaine mesure, un billet de banque, c'est sacré. Le dollar est sacré. Vous savez bien que dans certains pays, par exemple aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de photographier des dollars. En France, si vous brûlez un billet de banque important sur la voie publique, vous risquez d'être emmené en prison. Parce que le billet est là, doué d'un pouvoir sacré, il représente la richesse nationale. Cette richesse nationale, comme chacun sait, si merveilleusement répartie. C'est alors le pouvoir, une sorte de détournement du sacré. Et combien de chefs hiérarchiques attendent de leurs subordonnés, dans les rapports de domination, une sorte d'obédience presque aussi exacte que celle que les souverains charismatiques pouvaient demander pour eux-mêmes. Le sacré comme contestation de l'économique, Georges Balandier. Ce qui me semble être en cause à travers les diverses manifestations présentes du sacré, de la religiosité, eh bien, tout cela apparaît surtout comme exprimant une critique. Une critique de quoi? Une critique certainement d'un régime économique. Ce qui est mis en cause, c'est dans les sociétés de consommation, un régime qui réduit les hommes à l'état de moyens de la production et de moyens de la consommation. C'est la mise en cause d'un régime économique où l'argent est la mesure privilégiée où les rapports sociaux sont faussés et où les systèmes de domination de l'homme sur l'homme s'instaurent par le truchement de l'économie avant de s'instaurer par le truchement du politique. Bien. C'est certainement cela qui est contesté. Ce qui est contesté aussi, c'est sans doute un certain ordre industriel, c'est-à-dire une activité purement matérielle, une activité qui se donne pour finalité la croissance sans fin, sans trop se poser la question de ce à quoi sert la croissance. Si bien qu'on se trouverait en face de ce paradoxe d'une société envahie de plus en plus par les choses et de plus en plus vidée par les significations. Alors, en présence d'un vécu quotidien qui est de cette sorte, où l'ennui domine, où les occasions de dépassement ne sont pas très nombreuses, où les sollicitations sont uniquement celles du consommateur et non pas celles de l'homme profond, les jeunes réagissent et tentent de multiplier ce que j'appellerais, après le sociologue américain Goffman, tentent de multiplier les rituels de la vie quotidienne. J'ai été frappé, me trouvant aux États-Unis, par cette ritualisation de la vie de chaque jour à l'intérieur des communautés de jeunes. Ritualisations qui sont d'ordre spirituel. Nombre de communautés sont des communautés de méditation et la journée ne s'ouvre pas sans une certaine méditation collective, qui n'est pas d'ailleurs une méditation répondant au canon des églises établies ou des mystiques traditionnellement façonnées historiquement, bolissées. C'est une sorte de méditation sauvage qui va aussi bien s'inspirer de certaines des traditions orientales de la méditation que de certaines des procédures des mystiques qui sont les mystiques connus à travers le christianisme. Là, il est évident qu'il y a une part de rituel dans la vie de chaque jour. On ouvre le jour par cette espèce de rituel, de la réflexion sur soi-même, les autres et le sens profond des choses. J'ai été frappé par le souci qu'ont ces jeunes à l'intérieur des communautés qu'ils constituent, n'est-ce pas, de développer une sorte de formalisme de la vie quotidienne. Je veux dire que chacun n'est pas abandonné à sa spontanéité, comme on pourrait le croire, mais il y a une sorte de formalisation dans les rapports entre les adultes, dans les rapports entre les adultes et les enfants, dans les rapports qui visent à organiser, à aménager la vie économique, dans les relations qui marquent le temps des repas ou le temps du divertissement. Ce qui frappe, n'est-ce pas, c'est que, à l'inverse du sentiment qu'on pouvait avoir, que ces communautés sont des communautés plutôt libertaires, certains les voyaient même comme libertines, il y a au contraire une sorte de développement foisonnant des principes, des modèles de comportement, des formes de relations qu'on doit avoir. Et le respect de ces formes, de ces principes, hein, est plus qu'un respect de politesse, c'est un respect quasiment sacré. Et puis aussi, ritualisation, ou en tout cas sacralisation, dans le cadre de certaines des options politiques manifestées par ces jeunes. J'ai été très frappé par le caractère quasi-théologique du langage politique. Hein. Et je ne crois pas, en racontant tout cela, majorer ce qui se passe à l'intérieur de ces groupes. Ça peut paraître marginal à certains. Je pense que des choses importantes s'y ébauchent. Je ne sais pas quand elles parviendront à maturité. Je ne sais même pas si elles y parviendront, si ce qui leur est contraire ne va pas les effacer, les tuer définitivement dans un délai prochain. Mais ce qui est certain, c'est que des choses importantes se cherchent là. Et que là sont posées les vraies questions et que nous avons intérêt à les connaître sous cette forme. C'était La place du sacré dans le monde moderne, une émission de Marcel Kroes avec des témoignages de Stanislas Fumet, Pierre Bernard, Jean Duvigneau, Georges Ballandier. Collaboration, Jean Rizer Nadal et Jean-Louis Jacques. Réalisation, Geneviève Thiriard. Collaboration technique, André Thompson. Aspect du sacré dans le monde moderne est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la première d'une série de 8, première diffusion sur France Culture le 29 juin 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. No one has to tell me to love you, I just do. All the stars that shine up above you know it too. Everything you are is everything I need. You're the one who's changed everything I believe, and it feels so good to me. Feels so good when you're talking to me. Feels so right sharing the air you breathe. Feels so fine to be here alone with you. When it's real, it feels so good. Feels so good, so good, so good.